Selon les médias sud-coréens, les États-Unis tentent d'installer à perpétuité une troupe de drones d'attaque à la base aérienne américaine à Gunsan, Corée du Sud, d'une part, et d'autre part, un corps de traitement d'informations aussi pour l'analyse des informations recueillies par ces avions. Les drones ont pour mission d'accomplir les opérations avec les commandos infiltrés dans les arrières de notre République. De connivence avec les États-Unis qui cherchent à renforcer la capacité de première frappe nucléaire contre nous, les bellicistes sud-coréens ont projeté d'investir d'énormes fonds pour acheter 20 hélicoptères d'opérations maritimes et affecter à la deuxième flotte plusieurs hélicoptères importés le mois dernier pour la première étape. Simultanément, le département sud-coréen des affaires défensives a décidé de déployer jusqu'en 2018 la bombe téléguidée GPS dans l'armée sud-coréenne.